Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 38e émission, je me trouve à Lyon, en compagnie de deux camarades d'Égalité et Réconciliation. Nous vous proposons aujourd'hui une revue d'actualité. Ces deux camarades, vous les connaissez déjà, ils sont rédacteurs du site d'Égalité et Réconciliation. Il s'agit de Pierre de Brague. Pierre, bonjour à toi. Bonjour Vincent. Et Dimitri Corias. Dimitri, bonjour à toi. Salut les camarades. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Première actualité, l'affaire Black M, ce rappeur invité à chanter lors de la commémoration de la bataille de Verdun et qui a finalement été déprogrammé face à la réaction hostile d'une partie de la société française. Pierre, peux-tu nous faire s'il te plaît un topo de la situation ? Oui, alors si vous le permettez, mes chers amis, je vais faire un petit développement, je vais essayer d'aller à l'essentiel. On part sur 5 minutes minimum de récapitulatif de l'affaire Black M. Oula. La fameuse affaire Black M, j'ai envie de dire la fumeuse affaire Black M. L'affaire Black M, à mon sens, c'est un exemple un parfait exemple d'ingénierie sur la société française. Alors on nous l'a vendu comme un affrontement entre deux France sur un mode culturel, enfin identitaire et culturel, alors que c'est plutôt un révélateur de l'affrontement entre le pays réel, hein, le français moyen, et ce que j'appelle le gouvernement profond, qui est plutôt lui anti-France, hein, dans son logiciel. Et dans cette petite pièce de théâtre, tout le monde a bien sagement joué son rôle. Alors, qu'est-ce que c'est que l'affaire Black M ? Black M a été invité à participer à la commémoration de la bataille de Verdun. Donc la bataille de Verdun, c'est la plus longue bataille de la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, pour la petite histoire, je crois que c'est une des batailles dans laquelle s'est illustré le maréchal Pétain. 700 000 victimes, voilà. 9 mois de bataille. Et donc cette commémoration... organisé par le maire de la ville de Verdun, donc monsieur Samuel Hazard, donc qui est un juif socialiste, hein, et en partenariat avec monsieur Joseph Zimet, qui est un fils de chanteur yiddish, hein, qui s'appelle Léo Zimet, je ne sais plus son prénom, enfin bon bref, monsieur Zimet. Joseph Zimet, c'est l'époux de Ramayad, c'est un ancien conseiller de Dominique Strauss-Kahn. C'est l'actuel conseiller de Jean-Marie Bockel. Alors Jean-Marie Bockel, c'est un socialiste qui a rejoint Sarkozy à l'époque, en 2007, à l'époque de l'ouverture à gauche. Et des traîtres. Voilà. Et ici, il participe à la commémoration en tant que directeur de la mission du centenaire. Voilà. Donc on est en plein cœur, on est vraiment au cœur de ce qu'on appelle l'UMPS, quoi. Vraiment, là, on a tout le réseau, on a Ramayad, on a Dominique Strauss-Kahn, on a tout. Donc, à la... De base, ce ne seront pas ce qu'on appelle des patriotes prêts à mourir pour la France, a priori. Quoi. On l'avait je pense compris. Je pense que la vraie obscénité, déjà, de l'affaire, elle est là. Mais bref. Donc, cette année, donc 2016, parce que bon, d'habitude, personne ne parle finalement de la commémoration de Verdun, hein, mais cette année, ça a défrayé la chronique, puisque ils ont décidé de faire participer le rappeur Black M pour un concert qui était prévu après la cérémonie. Enfin bon, bref, c'est factuel. Évidemment, l'information a circulé de telle manière que ça a effectivement créé une polémique, hein, voilà, sur Internet notamment. Donc cette affaire aurait pu rester anecdotique, mais c'est vrai que... Parce que finalement, des affronts faits à la mémoire de France, il y en a en permanence. Tous les jours. Donc il y en a pléthore, mais c'est vrai qu'ici, il y a une symbolique forte. Donc l'affaire s'est développée, ça a enflé, en fait, il y a eu une mobilisation. Et suite à cette mobilisation, la mairie a annulé l'événement. Enfin... Non, la mairie n'a pas annulé l'événement. Pas tout de suite. Hein, la mairie a annulé le concert. Voilà. Le concert qui, je me suis renseigné, aurait coûté 150 000 euros. Hein. Tout compris. Voilà, pour Black M. Pour Black M. Sous prétexte de menaces, de troubles à l'ordre public, blablabla. Bla bla. Mais l'événement a lieu, ce dimanche d'ailleurs, hein, c'est ce dimanche 29 mai. Il aura lieu en présence de François Hollande. Et d'Angela Merkel, et évidemment sans Black M, hein, qui a été annulé. Alors je précise que j'ai relu les déclarations, le maire, donc Samuel Hazard, a déclaré que ce n'était pas lui qui avait choisi Black M, que c'était l'État qui lui avait proposé. François Hollande même, il a été cité. Hein. Voilà, François Hollande directement qui lui aurait proposé la venue de Black M. Bon, bref, c'est pour la petite histoire. Qu'a-t-il été retenu de cette affaire ? Il a été retenu que c'était la fachosphère, la fameuse fachosphère qui avait fait annuler le concert. Voilà. Dans les médias, dans les grands médias, c'est même devenu l'extrême droite, c'est même devenu le Front National. Hein. C'est le Front National, enfin, je sais pas d'où ils ont tiré ça. Le Front National fait annuler le concert du rappeur Black M. Alors là, j'ai envie de pousser un premier coup de gueule. Je veux dire, mon cul. Hein, je veux dire, la ville de. Non. Non, non, mais mon cul, aucune, la fachosphère ne fait rien annuler du tout. Il faut revenir sur Terre. La fachosphère n'a aucun pouvoir. Donc tous les petits militants d'Internet et de Facebook, ce que j'appellerais la mobilisation 2.0, qui ont crié victoire, enfin comme s'ils avaient combattu pour Verdun véritablement. Enfin, je veux dire, on est dans l'esbroufe totale. Si cette affaire, si le concert a été annulé, c'est qu'il y a une complaisance de l'État à tous les niveaux. Qui est prégnante. Hein. Faut pas me faire croire que, enfin, s'ils avaient vraiment voulu que le concert ait lieu, le pouvoir aurait fait en sorte. Il a l'habitude de s'asseoir sur les avis des Français. Donc le concert aurait eu lieu, voilà. Donc il faut, on va pas me faire croire que c'est Daniel Conversano et trois identitaires de Facebook qui, en menaçant de lancer des tomates sur Black M, ont le pouvoir de faire. Enfin, je pense qu'il faut arrêter les conneries là-dessus parce que sinon il y aurait pas toutes les manifestations qu'il y a actuellement en France. Bref, qu'est-ce qu'il en est resté? Il en est resté un fameux clash. Symbolique entre la France identitaire et la France multiculturaliste, hein. Alors que, encore une fois, je pense qu'il faut le dire, les Français ne sont pas prioritairement concernés par ces considérations, parce que les Français, le Français de base, le Français moyen, il en a rien à foutre, il est ni identitaire rabique, ni multiculturaliste soumis intégral, ils s'en tapent complètement. Le Français de base, il aspire à vivre dans son pays, qu'on le respecte, voilà, il n'y a pas de crispation identitaire comme cette affaire voudrait nous le faire croire, ni de dévoiement et de soumission, enfin bon bref, c'est... Le problème véritable caché derrière tout ça, encore une fois, c'est le problème de l'immigration. Voilà, le problème de l'immigration orchestrée par les mêmes qui sont derrière cette affaire, hein, toujours les élites UMPS et compagnie, quoi. Voilà. Donc, les femmes des élites qui sont d'ailleurs identitaires et multiculturalistes, elles, dans leur discours, dans leur être et dans leur discours. Et donc, Pierre, pourquoi cette déprogrammation? C'est là qu'intervient la théorie du complot. Alors, je la sens venir. J'ai effectivement une théorie de la manipulation. C'est pas la théorie du complot, mais je vais décrire une manipulation. Parce que tout est falsifié, je pense, dans cette affaire. On a fait passer le fameux rappeur Black M pour par rapport à l'espèce d'hystérie 2.0 qui a eu lieu. On l'a fait passer pour un espèce de monstre francophobe, islamiste, pour deux phrases sur lesquelles je vais revenir. Voilà. On en a fait, dans l'inconscient des gens, un espèce de Joe Star, de Daesh. Un terroriste culturel. Voilà, qui passerait son temps à dire j'encule la France, je baise le peuple, on va vous coloniser, on va vous arabiser, je ne sais quoi. Alors que c'est un vendeur de disques mainstream, qui vend d'ailleurs beaucoup de disques et qui plaît aux enfants, aux jeunes, et il n'a pas de texte, comme on dit, explicite, comme on dit sur Spotify ou sur Deezer. Voilà, c'est effectivement, parce que là, on en a fait l'espèce de fantasme d'Éric Zemmour, si je peux dire. Je ne sais pas si c'est vraiment ça qui est reproché. Attends, j'y viens. C'est parti de là. Si, c'est parti de là. C'est parti de du fameux mot koufar, et après, il y a eu tout un tas d'extrapolations. Enfin, bref, on va recontextualiser. Mm-hmm. Alors, parce qu'effectivement, donc, Black M n'est pas cette espèce de monstre incontrôlable sorti de l'islam, sorti de Daesh, sorti du terrorisme. Dont les mots giclent comme des balles de kalash dans le visage des Français innocents. Non, Black M, effectivement, c'est le rappeur préféré des enfants, hein, il faut le dire. C'est vraiment un rappeur grand public, des enfants blancs d'ailleurs, hein, pour aller jusqu'au bout, des enfants bourgeois. Voilà, c'est un des plus gros vendeurs de disques en France. Il est signé chez Sony. Hein, voilà, donc c'est quand même pas Oussama Ben Laden dans sa cave. Lui, signé chez CIA, je crois. Oui. Black M fait partie des enfoirés, hein, de la troupe des enfoirés. Black M a participé aux victoires de la musique, je sais pas s'il l'a remporté l'année dernière. Enfin bon, bref, il est entièrement dans le système. Voilà. Et donc il y a eu cette espèce de petite polémique sur le mot koufar. Ça veut pas dire que Black M avait sa place dans l'événement, hein, on est d'accord. Personne n'avait. Non, on a bien compris la distinction. Voilà. De toute façon, je pense que ni Black M, ni Samuel Hazard, ni Joseph Zimet, ni l'UMPS n'auraient sa place dans cet événement, dans une commémoration de la bataille de Verdun. Mais bref. Et donc, finalement, il a pas dit, quand il a repris ce terme couffard, il a pas dit pire que ce qu'avait dit Finkielkraut sur la haine de la France, sur ce pays mérite notre haine, parce que couffard ça veut dire mécréant. Surtout que Finkielkraut, lui, il a pas les circonstances atténuantes de la chanson en rap populaire. Mmh. Lui, il pèse ses mots, il pense ses mots. Et une phrase... Dans une interview. Voilà, dans une interview, après il leur a dit que c'était hors contexte, etc. Mais une phrase de Finkielkraut, elle a son poids, elle est pensée, elle est pesée. Alors le fameux mot couffard, pour finir là-dessus, a été prononcé donc dans un texte d'une chanson qui s'appelle Désolé, de Section d'Assaut, qui était le groupe de Black M. Et cette chanson a été le single a été un hit, hein, ça a été un tube, c'est passé sur toutes les chaînes, et à l'époque, donc c'était il y a 2-3 ans, même peut-être plus, à l'époque personne ne s'est indigné de cette chanson et de ce mot qui était martelé en boucle à la radio, sur toutes les ondes. La plupart s'en foutent d'ailleurs. La fachosphère à ce moment-là, on l'a pas vue, quoi, je veux dire, elle n'avait pas de pouvoir. Mais elle n'existait pas vraiment. Tu parles d'il y a 4 ans. Ah, il y a 4 ans. Bon, bah, en tout cas, les gens auraient pu s'indigner. Personne ne s'est indigné à cette époque. Internet n'existait pas il y a 4 ans. Ouais, mais la fachosphère, moins déjà. Non, c'est le mot qui a été lancé un peu par Le Monde, qui lui a pris ensuite de l'ampleur. Donc, c'est-à-dire qu'on a eu un déroulement par rapport à tout ça, en fait. Et donc, celui qu'on fait passer pour un monstre incontrôlable de haine, de bile, machin, c'est en fait un pur produit du système. Voilà, donc, qui est tout à fait docile. Je pense que c'est le bon terme. Il est tout à fait docile. Il faut écouter ses chansons pour se rendre compte que c'est un gentil. Hein, c'est un rappeur doucereux, si je puis utiliser ce mot. C'est un rappeur grand public. C'est un rappeur de divertissement. Voilà, c'est pas un rappeur engagé. C'est pas un rappeur politique. C'est un pur produit. Un produit d'ailleurs au sens marketing aussi de l'industrie, quoi. Et de toute façon, on peut pas faire non plus un rap sans balancer 2-3 coups de pied à droite à gauche. Donc c'est normal. Et... Oui, ça fait partie d'un peu des codes et du folklore. C'est là où moi je vous rejoins pas vraiment. C'est-à-dire que moi j'ai suivi les réactions de la fachosphère, comme vous dites. Et en réalité, ce qui était reproché, c'est que c'est le rap qui était en question. Et qui était remis en cause. Les identitaires ne voulaient pas de rappeur. Non, c'était un rappeur qui crache sur la France. C'était ça la polémique. Non, c'était le rap en soi. C'est-à-dire qu'ils estimaient que le rap n'était pas une musique qui convenait au repos des morts et à la commémoration de cet événement. Ce qui a été retenu dans les grands médias et ce que l'inconscient populaire va retenir de cette affaire, c'est que c'est un rappeur qui crache sur la France, qui est interdit, annulé par l'extrême droite. Le reste, les détails, on s'en fout. Moi, je vous les donne pour que tout le monde ait le. Ça, c'est l'ingénierie. Voilà. Mais l'ingénierie, c'est ça. Donc qu'est-ce qu'on va retenir de cette histoire? On va retenir ça. Tu comprends? Et attends, je finis. J'ai d'autres détails. Donc Black M est entièrement contrôlé, au sens propre d'ailleurs, hein, au sens propre, parce que effectivement Black M a eu des dérapages verbaux, mais d'autres dérapages verbaux, hein, d'autres dont on a moins entendu parler peut-être, ce ne sont pas ceux qu'on croit. C'est-à-dire que balance. je balance ce que les initiés savent, c'est que il y a, alors je crois que c'est en 2011 dans une chanson de Section d'Assaut, encore une fois. Donc c'était d'ailleurs même pas un texte de Black M, c'était un texte de une lyrics de Maître Gims, qui est un autre chouchou des médias, qui va au Stade de France, qui passe chez Drucker ou chez Hugo Journal de 20h. Enfin bon, bref, voilà, qui avait produit une chanson pour laquelle ils avaient été taxés d'homophobie à l'époque. Je cite la lyrics, je crois que c'était couper le pénis des PD, blablabla. Bref, et ils avaient répondu à une interview dans laquelle ils avaient soutenu. Ils voulaient peut-être parler de changement de sexe, non? C'est ça, c'était un truc pro-transgenre. Et dans une interview, ils avaient soutenu qu'ils étaient, Section d'Assaut avait soutenu qu'ils étaient 100% homophobes. Alors là, tout de suite, le lever de bouclier, le tollé, et les fameuses terreurs, hein, la fameuse terreur Black M, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est couchée à cette époque, taxée d'homophobie, elle s'est excusée, hein, à plat ventre. Voilà, la Section d'Assaut et Black M ont littéralement baissé leur froc devant le lobby LGBT, hein, en 2011, parce que pour pouvoir continuer leur carrière, évidemment. Le lobby LGBT, c'est ce qu'ils voulaient, c'est qu'on baisse notre froc devant eux. Bah oui, donc symboliquement, c'est ce qu'on appelle le chantage, enfin c'est connu, c'est le chantage à la casserole, hein, c'est-à-dire que comme Jamel Debbouze par exemple, c'est tu crées une casserole. Tu as une casserole, on la sortira, donc sinon, fais bien tout ce qu'on te dit de faire. Comme pour les hommes politiques, voilà. Ou comme pour Philippe Val, à la tête de France Inter. Mais c'est un autre débat. Tout le monde a sa casserole. Pierre, personne ne remet en cause le fait que Black M était un rappeur soumis au système, puisque c'est un rappeur. Non, mais il y a rappeur et rappeur. C'est pas quelqu'un qui a appelé à fumer des poulets. Ce qui a créé la polémique dans l'imaginaire, c'est que c'est un rappeur qui crache sur la France, qui vient défier la France et que c'était un outrage à la, au souvenir de nos morts. Moi, je pense que si ça avait été un autre rappeur, il y aurait la même réaction populaire, hein, je pense. Évidemment que choisir un rappeur, c'est un affront. Et c'est ça dont je parle, c'est l'ingénierie. Mais ils n'ont pas choisi n'importe quel rappeur, c'est ce que j'essaye de décrire. Ils ont choisi un rappeur qui est entièrement sous contrôle. Voilà. Et je décris à quel point il est sous contrôle. Mais avec d'ailleurs, une faiblesse. D'ailleurs, je continue. Voilà. D'ailleurs, je continue. Donc, un rappeur docile. Et pourquoi rappeur est, pourquoi Black M est un rappeur docile? Je l'explique. Notamment parce qu'il est tenu par ça. Donc, le sulfureux Black M d'extrême droite, enfin, d'extrême droite fascisto-coranique, colonisateur, blablabla, entièrement soumis au lobby LGBT. Hein. Et il a même scellé son partenariat avec ce que je vais, on va appeler le pouvoir, en participant à la bande originale du film Aladdin. Donc encore une fois, gros business, hein, le mainstream à tout va. Kev Adams. Qu'est-ce qu'il a fait, un featuring avec le comique Kev Adams, hein, donc qui était l'acteur, donc c'est un juif qui joue un arabe. Ah bon, hein. Je pensais que Kev Adams était catholique. Non, Kev Adams c'est ça, c'est le kick. Il interprète le héros arabe alors que c'est un français juif. Bon bref. Et encore une fois, c'était très courant dans le cinéma français avant l'arrivée des Roche Dizem, Sami Bouajila, etc. Tous les arabes du cinéma français étaient incarnés par des acteurs juifs. Bah oui. Donc bon, petite voilà. Notice d'histoire. Donc hein. Encore une fois, donc Kev Adams, c'est le chouchou des enfants. Hein, on est vraiment dans à ce niveau-là. Mais il y a eu encore un autre événement. Parce que je déroule la chronologie. C'est qu'il y a eu un autre dérapage verbal après cette affaire, qui a fini de, si vous voulez, de matérialiser l'espèce d'épée de Damoclès qui fait que Black M était parfait pour cette histoire. C'est-à-dire que l'épée de Damoclès au-dessus de la petite tête de Black M. C'est-à-dire que pour être sûr qu'il allait tout faire comme on lui dit, il y a eu la fameuse affaire du Youpin. Hein, la fameuse affaire du Youpin. Alors qu'est-ce que c'est que l'affaire du Youpin? C'est Black M qui a repris une chanson de Doc Gynéco. Hein, donc encore là, on peut parler des réseaux avec Sarkozy. Enfin bon, bref, voilà, il y a tout un tas d'analogies à faire, dans laquelle Black M a utilisé le mot Youpin. Mais il n'a pas utilisé sale Youpin. Voilà, c'est encore une fois, c'était une chanson pour Bobo. Hein, voilà, sur le 18e, dans sa rue, il décrivait les communautés dans sa rue, tout simplement. La chanson est absolument totalement neutre. Et mainstream. Il y a à peine trois mots d'argot. Chanson pour bourgeois, voilà. Donc, encore une fois, le même processus, polémique, chantage, excuse. Voilà, parce qu'il voulait pas se faire traiter d'antisémite et voir sa carrière se briser, le pauvre Black M, le petit Black M. Donc tout ça, ce sont des prétextes. Il est très maladroit en fait, ce Black M. Mais il a pas vu venir le coup, parce que c'est quand même un sacré coup. Il n'a pas compris comment fonctionnait le système. Maintenant, ouais, maintenant je pense qu'il comprend. Donc tout ça, ce sont des prétextes pour le contrôler. Donc là, il est parfaitement contrôlé. Et résultat des courses, entièrement. Donc Black M est entièrement malléable. D'ailleurs, bon. Allez, je vais me lâcher, je vais aller jusqu'au bout. Pour ceux qui aiment les chiffres, ceux qui aiment les complots, justement, j'ai remarqué que la chanson avec Kev Adams, Prince Aladdin, était faisait sortie... 666 secondes. Non, non, elle était sortie le 11 septembre 2015, et que la chanson Dans ma rue, celle où il utilise le mot Youpin, était sortie le 13 novembre 2015. Le jour des attentats. Donc, il y a un agenda des maisons de disques qui est assez ironique. Bref, Pierre, ce rappeur est un rappeur sous contrôle. Moi, je pense qu'ils le sont tous plus ou moins. Toi, tu dis que lui, il l'est particulièrement. Bien sûr. La suite du raisonnement? Et j'ai conclusion... Il y en a qui ont plus de mal quand même à passer dans les médias. Ce mec est un sacrifié. Voilà, ce ne sont pas des excuses que je lui donne. J'explique l'affaire. Les nationaux. Hein, qui se sont mobilisés, d'ailleurs qu'on peut comprendre, qu'on peut tout à fait comprendre, mais comment dire, un peu bas du front, sont tombés dans le panneau de cette affaire. C'est le piège numéro 2. Voilà, c'était un peu piégeux, parce que finalement, d'ailleurs je vais aller au bout de ma conclusion, ce qui était prévu, c'était pas que le concert ait lieu, ce qui était prévu, c'était que le concert soit annulé. Voilà, c'est ça la vraie manipulation. Et tout le monde a joué son rôle là-dedans. Et résultat, pourquoi? Parce que symboliquement, qu'est-ce qu'il en reste? Résultat, la France est raciste. Hein, les Français sont des racistes pour les banlieues. On va dire pour les banlieusards. La France est coupée en deux. La France est fasciste et raciste. Elle fait interdire un rappeur, un gentil rappeur. Et pour les autres, les banlieues, les rappeurs, les musulmans sont des anti-français. Voilà. D'ailleurs, d'où l'utilisation du terme koufar, voilà, parce que c'est un terme à consonance arabo-islamique, blablabla, qui crée tout un tas de choses. Alors que Black M, c'est pas un mec Angelaba qui vient coloniser le truc. Je vois Pierre Je vois, pardon Pierre, je vois Vincent qui fait des grimaces, mais en fait, c'est exactement ce que faisait Mitterrand il y a 30 ans, quand il jetait au milieu de la droite et de la gauche des gros pétards, et pour casser l'opposition, que ce soit en interne ou en externe, et c'était le roi, comme on dit, des séparateurs en quelque sorte. Ce sont des gens qui arrivent à briser leurs oppositions ou à les affaiblir, et Hollande fait exactement pareil. Et là, c'est la même chose avec Hollande, donc il y a une stratégie, une opération de désagrégation de la communauté française, voilà, celle pour laquelle on se bat à égalité et réconciliation, et de monter des tensions. Moi, c'est pas du tout la stratégie de Hollande qui m'étonne, hein, ça, au contraire. Moi, c'est la fracture qu'il a indiquée entre banlieue et le reste de la France. Je pense pas que ce soit celle-ci la fracture pertinente. Ah non, mais parce qu'en l'occurrence, là, le cœur de cible du Parti Socialiste, c'est certes récupérer une partie de l'électorat issu de l'immigration, c'est une vérité, mais surtout, les bobos. Non, mais aujourd'hui, le PS, pour remonter et passer le premier tour en 2017, compte sur le vote des banlieues. Donc, il faut qu'ils apparaissent comme les amis, justement, de la victime Black M, ou en tout cas sa communauté, et que tout ça corresponde. Et le coup, je trouve, est très bien vu de la part de Hollande. Créer de toute pièce cette espèce de fantasmagorie identitaire rabique d'un côté contre gentil multiculturaliste de l'autre. Depuis 2013, montée des tensions, montée des radicalisations. Et les trois grandes manifestations contre le mariage homosexuel, la principale préoccupation de François Hollande, avant le chômage et tout le reste, c'est de récupérer le vote des banlieues qu'il a élu. Faut pas oublier, hein. C'est en gros, sans ça, il passe pas. Donc lui, il veut récupérer ce vote, surtout des jeunes, parce que là, il y a pas mal de jeunes qui arrivent encore sur le marché électoral, et toute la stratégie consiste à essayer de récupérer tout ça. Et là, le coup de « on est du côté des antiracistes », c'est une espèce d'opération SOS Racisme 2.0 ou 3.0. Oui. Voilà. Et puis faire monter justement, il a tout intérêt à faire monter une forme d'extrême droite. Bah bien entendu. La seule façon pour Hollande d'être réélu, c'est de se retrouver face à Marine Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle. De ce point de vue-là, l'opération est parfaite. Elle rentre dans ce cadre-là, bien sûr. Et d'ailleurs, il a tout intérêt à... D'ailleurs, on se demande, moi je me suis posé la question, à quel point en face, entre guillemets, par exemple au Front National, on a joué le jeu du scandale de Black M à Verdun. Parce que les gens ne sont pas idiots, certains au bureau politique du FN ont dû comprendre la manip et l'utiliser. Et jeter de l'huile sur le feu, etc. Marion Le Pen a envoyé des tweets incendiaires, etc. Et eux, ils en profitent avec le PS. Et c'est pour ça que des gens à droite, ou de la droite dite classique, crient au complot PS-FN, parce que dans ce genre de coup, ce sont les deux gagnants. Mais encore une fois, Vincent, ce que j'essaye de démontrer, c'est ce que va ressentir le Français de base qui survole ses affaires en permanence à la télé, par les médias, machin. Qu'est-ce qu'ils vont en retenir ? Ils vont en retenir un méchant rappeur francophobe annulé par l'extrême droite. C'est tout. C'est grossier, mais c'est ça. C'est ce qui va en rester, quoi. Deuxième actualité, l'affaire Baupin. L'ex-vice-président de l'Assemblée nationale et compagnon d'Emmanuel Cosse, l'actuel ministre de l'écologie, a été accusé récemment d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel par ses ex-compagnons d'Europe Écologie Les Verts. Dimitri Corias, que cachent ces graves accusations ? Eh bien, ça cache rien. Maintenant, tout le monde est au courant. Baupin a été lâché dans la fosse au lion. Tout le monde lui a jeté des choses innommables au visage. C'est devenu la cible. En fait, en réalité, tout le monde savait chez les Verts que Baupin était un metteur de main aux fesses depuis des années, un harceleur. Il envoyait des textos un peu à toutes les nanas qui tournaient autour de lui ou qui ne pouvaient pas y échapper. Et l'affaire est sortie justement à l'occasion de la nomination de sa compagne, Emmanuelle Cosse, au ministère justement de la ville, du logement. Du logement, oui. Et donc, tout de suite après, parce que maintenant ça va très vite sur les réseaux sociaux, d'aucuns ont considéré que l'affaire Baupin était une affaire Cosse, c'est-à-dire une espèce de vengeance de cacique ou de hiérarque chez les écolos contre la trahison d'Emmanuel Cosse, alors que certains écolos comme Duflo avaient décidé de ne plus participer à ce gouvernement qui les faisait chuter dangereusement. Voilà, parce que eux, ils se mettent en campagne et un an avant, ils quittent un gouvernement qui est en train de sombrer. Voilà, c'est tout. Et donc, Emmanuel Cosse y ont été pour des raisons personnelles ou d'ambition, pourquoi pas. Visiblement, c'est son compagnon qui a été sacrifié. Mais sinon, en ce qui concerne l'affaire des agressions sexuelles, présumées, parce qu'on attend encore le procès, si procès il y a. Tout le monde était au courant et les témoignages qui ont été apportés par Mediapart, qui a fait un gros dossier sur le sujet, sont évidemment absolument rigoureux. Mais c'est ce décalage qui interroge, même si les faits sont évidemment absolument réels. Le décalage entre les faits et... Alors, en interne, si Baupin n'a pas été dénoncé tout de suite de ses agissements machistes, c'est tout simplement... que alors, deux raisons ont été avancées. Hein. D'abord, on ne voulait pas faire de peine à Emmanuel Cos. Voilà, ça c'était un argument des copines. Et le deuxième argument plus politique, c'est que Baupin, c'est quand même, c'était quand même un peu le numéro 2, je dirais, intellectuel du parti, très solide sur l'écologie, surtout sur le dossier nucléaire. Et c'est quelqu'un qui compte et dont on a un peu du mal à se passer. Donc la question, c'est est-ce que l'orage va passer au-dessus de lui, ensuite il va conserver ses prérogatives avec un peu moins de présence médiatique, voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Hein. Oui, bah effectivement, ça ressemble bien à un règlement de compte, hein, comme dans une sorte de mafia, puisque la vraie raison de l'indignation sélective et retardée, décalée de nos féministes. D'ailleurs, Baupin était soi-disant proclamé féministe. Hein. C'est un autoproclamé féministe. Il avait participé à la fameuse campagne du rouge à lèvres contre les violences faites aux femmes, ce qui a fait beaucoup rigoler. Et d'ailleurs, juste à ce propos, j'en place une petite parce que tu as parlé pendant 4 heures. Le Baupin en question a participé donc avec pas mal de personnalités, 20-30 personnalités, à ces fameuses photos où on voyait des hommes qui mettaient du rouge à lèvres. Alors, je peux vous dire, parmi ces hommes, il y a effectivement d'autres qui n'ont pas été dénoncés, violeurs, harceleurs, etc. Et donc, la liste risque un jour de s'allonger. La fameuse liste des harceleurs féministes. Exactement. Et donc, pourquoi elles ne l'ont pas dénoncé ? C'est pas pour des raisons de copinage avec Emmanuel Cos ou je ne sais pas quoi. C'est effectivement pour des histoires d'intérêt et de réseau. Parce qu'effectivement, il fallait pas écorcher l'image déjà, il ne fallait pas écorcher l'image du parti, hein, le beau parti Europe Écologie Les Verts. Qui était déjà en train de lui aussi de sombrer parce que il a une image, c'est la foire d'empoigne permanente, le combat des chefs, qui énerve les Français, les vrais écologistes. Et puis parce que finalement tout le monde conserve sa petite place au chaud et les plus grandes gueules, les Caroline de Haas et les Clémentine Autain, machin, elles ont tout intérêt à conserver leur petit rond de cuir, comme on dit. Donc c'est vraiment la synthèse de toute l'hypocrisie féministe bourgeoise, hein, parce que comme dans l'affaire de Cologne, on est vraiment à l'épreuve du réel. Le discours disparaît totalement, parce que effectivement, tu l'as rappelé, elle le savait depuis des lustres. Ça fait péter toutes les coutures de l'hypocrisie. Voilà, tout le monde le savait et elle le savait depuis belle lurette. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc on a 8 témoignages qui accusent Baupin de harcèlement sexuel, 4 anonymes, 4 membres d'Écologie Les Verts, d'Europe Écologie Les Verts, aucune, en l'occurrence, n'ont porté plainte. Pourquoi ? Alors, je ne me suis pas fait mettre de main aux fesses par Denis Baupin, donc je ne peux pas tellement répondre. On ne sait pas encore, est-ce qu'elles ont subi des pressions, c'est ça ? C'est ça la question. Oui, mais alors là, impossible de répondre. En tout cas, il faudrait demander à Denis en personne, qui est un ami. Non, je plaisante. Non, mais est-ce que déjà, en interne, on a si besoin de Denis Baupin que des pressions commencent à arriver vers les... Alors, juste à ce propos, justement, bonne question, Vincent, c'est lorsque... Il y a plusieurs années, même une dizaine d'années, une journaliste du Figaro avait été harcelée ou prétendument violée, hein, je mets des 4 guillemets à peu près, par Dominique Strauss-Kahn. Par contre, à l'époque, une affaire avait été étouffée au niveau du Figaro parce qu'elle voulait porter plainte et c'est le journal qui lui a demandé de ne pas le faire. Une journaliste politique dont je ne citerai pas le nom. Donc, oui, par intérêt, pour des questions d'image et des besoins politiques aussi, à l'époque, par exemple, le DSK ne pouvait pas être mis en danger. Peut-être qu'aujourd'hui, Baupin, même s'il n'est pas présidentiable, ne doit pas être sacrifié, peut-être, par le parti en question. Alors, j'ai cherché un petit peu sur Baupin. Donc déjà, c'est un bourgeois catholique, hein, voilà, blanc, et il a tendance pro-palestinienne. Voilà. Ce qui explique peut-être une certaine... Ça y est, c'est le Black M des écolos. Est-ce que ça ne pourrait ne pas rentrer dans la stratégie de François Hollande d'implosion d'Europe Écologie Les Verts? Et ah, mais il en veut pas, clairement. Il veut plus d'écolo, il veut plus d'extrême gauche, il veut faire son alliance au centre droit grâce à Macron. Donc la stratégie, elle est claire, c'est se débarrasser de tout ce qui l'emmerde à gauche. Et de faire monter Macron pour le mettre face à Valls, voilà. D'où l'importance. D'où l'importance aussi de la loi travail, hein, qui est une loi, je dirais, LRPS, complète. Troisième actualité pour parler de choses plus sérieuses, parlons de la question sociale en France. Il semble que la situation explose en réaction au passage en force du gouvernement sur la loi El Khomri, ou loi travail, grève à la SNCF, à la RATP, dans les centrales nucléaires, blocage des raffineries et des dépôts de carburant, grève des contrôleurs aériens. J'ajoute une chose sur la situation sociale que personne ne peut prévoir, parce qu'il peut tout se passer, donc on va pas faire de politique fiction. Il y a une chose qui est intéressante, c'est que le coup d'accélérateur a été donné par la CGT. Qui jusqu'à présent était très discrète, et les raisons pour lesquelles Monsieur Martinez, donc le Staline qui terrorise la droite, est intervenu en durcissant les points d'action un peu partout, hein, d'où le blocage des dépôts de carburant, raffinerie, trains, métro, vols, etc. C'est plutôt pour des raisons internes à la CGT qui est en train de négocier, comme on dit, ses avantages sectoriels. Et la caisse de résonance des manifestations et du mouvement social donne cet avantage à la CGT de mettre plus de poids puisqu'elle accompagne le mouvement et du coup elle peut elle-même récupérer plus de la part du gouvernement qui est en train, comme on dit, de faire sa politique de petit cadeau préélectoral. Et donc la CGT n'était pas vraiment chaude au départ pour déjà le mouvement Nuit Debout, rien à foutre, mais surtout pour durcir le mouvement social. Là, elle le durcit par calcul interne et pas du tout pour faire la révolution comme en mai 68. C'est un calcul purement interne et sectoriel. Qu'est-ce que je peux dire sur la situation sociale française? C'est-à-dire qu'effectivement, on a des manifestations, on a donc là une pénurie qui s'annonce, hein, une pénurie de carburant. On a eu donc la répression et la contre-répression policière, mouvement Nuit Debout. Qu'est-ce qu'on a? Donc la loi travail, l'article 49.3, enfin bon bref. L'état d'urgence, tout ça dans un contexte d'état d'urgence. Jusqu'à fin donc, juillet. On a un parfait cocktail de guerre sociale civile française, voilà, et encore une fois manipulé à tout un tas de niveaux. D'ailleurs, enfin, ce que je peux dire là-dessus, c'est que je pense que, encore une fois, tout ça, c'est vraiment encore une conséquence de notre perte de souveraineté, de notre soumission à l'Union européenne, à l'euro, parce que finalement, une grande partie de ces problématiques sont cristallisées autour de la loi travail. La loi travail, on l'a diffusée récemment sur le site, provient explicitement de la Commission européenne, hein, d'experts, de spécialistes, voilà. De la même manière que ça correspond aux réformes que préconise le FMI pour la France, hein, comme elles en préconisent pour l'Espagne, pour la Grèce, enfin bref. Finalement, on est dans une situation post-Grèce ou pré-grec. Ou pré-grec, ouais, ouais. Et problème de souveraineté, puisque toutes ces mesures viennent de l'extérieur, voilà, ce ne sont pas des mesures françaises, antidémocratiques. Puisque qu'est-ce que c'est que le 49.3 et le passage en force et compagnie. Mais ce que je voudrais dire au micro et qui me paraît important, c'est que la loi travail n'est pas une loi qui porte atteinte profondément au code du travail, en vérité, comme le disent les bobos et les étudiants. C'est plutôt quand on l'analyse, c'est plutôt une attaque, je veux dire capitaliste, contre les classes moyennes. Hein, profondément, ce sont les PME, les TPE, les petits patrons, même les franchises. Hein, ce sont les franchises qui sont visées au profit des. La loi travail va les affaiblir au profit, évidemment, des multinationales. Voilà, des grands groupes et des multinationales. Et qui est-ce qui devrait manifester finalement? Ben, c'est la classe moyenne, ce sont les petits patrons, et je dirais même, ce sont les flics. Enfin bref, ce sont pas les connards de Nuit Debout qui escamotent le débat. Un peu de tenue, s'il vous plaît. Qui escamotent le réel débat et le réel combat, la réelle lutte sociale. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça. Donc on devrait avoir une coalition, une union sacrée de flics, de petits patrons, de classe moyenne française, et qui serait dans la rue. Et à la place, on a des connards d'extrême gauche, enfin des gamins, qui manifestent contre les flics et les patrons. C'est ça. En plus, c'est ça le pire, c'est que ils manifestent contre ceux pour lesquels ils devraient manifester. Donc là, encore une fois, c'est verrouillé. Et de l'extérieur, bah, la banque, hein, la grande banque, via l'État, hein, en se servant de l'État forcément, et bah, elle rigole bien. On voit malgré tout qu'il y a plusieurs secteurs qui sont touchés par les grèves. Dimitri, est-ce qu'on peut imaginer, tu disais que la CGT... profitait de la situation pour faire avancer ses pions. Donc on ne peut pas imaginer une convergence des luttes, comme ils le disent eux-mêmes dans leur jargon. Mais si, on pourrait. Oui, mais là, en l'occurrence, avec ce qu'on voit, avec Nuit Debout, avec les syndicats, avec les jeunes, les étudiants, etc., ça fait un patchwork pas très cohérent. Mais ils sont là pour ça, ils sont là pour empêcher cette véritable convergence. Moi, je pense que les gens qui manifestent devraient manifester avec les policiers ou les policiers avec eux. Là, on aurait quelque chose d'intéressant. Voilà. Bah écoutez, vous parlez de la manifestation des policiers, ça tombe bien, j'y suis allé à Paris, à Place de la République, il y a de ça une semaine. C'était une manifestation entièrement verrouillée. Hein. Si vous aviez envie d'y participer, vous ne pouviez pas. Donc avec plusieurs cordons de policiers, c'était très bien fait, la place était entièrement verrouillée. Moi, j'ai pas pu même prendre des images de loin, on la voyait pas. Mais d'ailleurs, c'est un très mauvais calcul d'un point de vue stratégique, cette manifestation. Je sais pas quels sont les syndicats policiers qui ont mis en place cette... C'est Alliance, hein, syndicat officier. Voilà, parce que évidemment que je peux... Enfin, Dieu sait le bien que je peux penser d'un point de vue social, justement, et étatique, j'ai envie de dire, des policiers, hein, des forces de l'ordre. Mais cette manifestation, à part les stigmatiser, les victimiser et les faire passer, enfin les affaiblir symboliquement parlant, je vois pas trop à quoi ça sert, quoi. Bah, tu disais tout à l'heure qu'il fallait qu'ils manifestent. Oui, mais il faudrait qu'ils manifestent. Pas tout seul. Il faudrait qu'ils manifestent avec les classes moyennes contre l'Union européenne et contre le FMI et contre les grandes banques. Voilà. Tous ces antagonismes, c'est comme cette histoire tout à l'heure de Black M, arrange le pouvoir profond, hein, pour parler de manière claire, parce que je dirais les vraies forces sociales se neutralisent les unes les autres. Et au lieu, effectivement, de viser le sens supérieur dans un même sens pour avoir plus d'efficacité, et là, de faire bouger les choses, parce que là, rien ne bouge. Comme dirait l'autre, l'euro de football arrive, les vacances arrivent, tout risque de s'éteindre après quelques embrasements et étincelles, et les gens n'auront rien gagné. Comme d'habitude, parce que le pouvoir a vraiment l'habitude de ça, hein, ça arrive tous les 3-4 ans, tous les 5 ans... Je me permets de nourrir vos propos de l'expérience que j'ai eue à Paris. Tu disais, Dimitri, qu'il fallait que les gens manifestent et s'unissent. Encore faut-il qu'ils s'unissent en ayant conscience des causes réelles. C'est ce que tu disais, justement, Pierre. Justement, c'est bien ça. Or, moi, quand je suis allé il y a quelques jours à la manifestation contre Monsanto, je leur disais, mais est-ce que vous avez conscience que c'est l'Union européenne qui est derrière, puisque c'est eux qui autorisent toute cette merde d'entrer sur le marché européen. Notamment par la corruption. Alors, ils en ont conscience, ils savent que l'Union européenne... est un problème, mais ils me servent toujours le discours, il faut changer d'Europe, il faut une autre Europe. C'est-à-dire qu'ils ne conçoivent pas, et je leur disais, mais au bout de combien de manifestations, parce que là c'est la quatrième année qu'ils manifestaient contre Monsanto, combien d'années il va vous falloir pour comprendre que les manifestations sont inutiles, qu'ils s'en foutent, et que la seule chose qui les gêne, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on est traité de fasciste quand on le dit, c'est il faut sortir de l'Union Européenne. Combien d'années, il vous faut combien de temps? 10 ans? Au bout de 10 ans, vous commencerez à vous poser la question? Peut-être que la conscience avance aussi doucement. Mais le système positionne des chiens de garde à droite, à gauche. Des contre-feux, des leurres, comme les missiles leurres, et pour détourner les colères sociales. C'est de bonne guerre. Hein. Quatrième actualité, une actualité internationale, le Brexit, c'est-à-dire la possibilité pour que la Grande-Bretagne sorte de l'Union européenne. Le 23 juin prochain, les Britanniques se prononceront par référendum. Dimitri, quelles sont les possibilités pour que les Britanniques quittent l'Union européenne? Ou plus exactement, où en est la situation de l'autre côté de la Manche? Bon, honnêtement, elles sont faibles. Hein. Vu les pressions internationales entre Merkel et Obama, et en interne aussi, puisque les deux grands partis sont contre le Brexit, sauf que le Brexit, c'est une espèce de pari foireux, un pari d'alcoolique de Cameron, qui avait promis, s'il était élu, de faire ce référendum. Il a fini par le faire, hein, après plusieurs pressions, mais tout est fait pour que le référendum, les Anglais disent « remain », donc on reste, et pas « leave », on quitte. Parce qu'il y a une vraie opération de terreur terreur médiatique. Hein. Cameron a déclaré que ça serait la guerre mondiale pratiquement. Quasiment. Mais ils veulent surtout pas d'un 29 mai, d'ailleurs on y arrive, 2005, qui avait stupéfait l'Europe lorsque le non avait gagné en France et de manière très nette. Mais de toute façon, l'oligarchie européenne a toujours un tour dans son sac pour retourner les votes populaires. Donc c'est le traité de Lisbonne ensuite qui avait neutralisé complètement le non français, puis qui avait été suivi, je crois, c'est les Irlandais qui avaient mal voté. Bref, un vote populaire peut de toute façon être récupéré et retourné comme une crêpe. C'est pour ça que les sondages, même si les anti-Brexit sont à peu près, je crois, à 55-45, s'il y a un petit risque, je pense qu'il y a un plan B qui est prêt pour remettre tout ça. Ouais, je suis d'accord. Il y a un petit plan A, il y a un plan A, un petit plan A, il y a un plan B. Voilà, j'ai une théorie là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, le plan A du système de l'oligarchie, c'est que le Brexit n'ait pas lieu, hein, évidemment. Oui, mais il y a démocratie avant. Statu quo. Mais on peut se demander jusqu'à quel point une sortie de l'Union européenne par la Grande-Bretagne serait intéressant pour l'oligarchie, parce que finalement, on est en droit, pourquoi pas se poser la question. Tout se calcule. Alors, j'y réfléchis et je me suis dit, mais si c'était le Royaume-Uni qui sortait de l'Union, qui serait le premier pion de la destruction de l'Union européenne, qu'est-ce que ça donnerait? Ça veut dire que il prendrait la tête, finalement, du mouvement de contestation globale, hein, on va dire anti-européiste. Et est-ce que ça serait une bonne chose, parce que moi, effectivement, je suis en bon français, je me méfie de la perfide Albion, est-ce que ça serait une bonne chose que les Anglais prennent la tête de ce mouvement? Et j'en suis pas sûr. Et c'est peut-être ça le plan B du mondialisme, hein, si je peux dire. C'est-à-dire que il reprendrait il y aurait une nouvelle forme d'internationalisme sous dominance symbolique du Royaume-Uni, mais le Royaume-Uni en parallèle de ça n'a pas prévu, enfin les dirigeants pro-Brexit n'ont pas prévu de remettre en cause le TAFTA, ils n'ont pas prévu de remettre en cause le libre-échange. Enfin, je veux dire, il y a un manque de cohérence en fait. Oui, alors on estime à 2 ans le temps nécessaire pour réparer ou remettre en état l'économie britannique après un Brexit, c'est-à-dire 2 ans pour justement. Et finalement, qu'est-ce que ça serait un monde libéral porté par le Royaume-Uni sans l'Union européenne? Peut-être que ça peut être un calcul mondialiste, peut-être que ça peut même être pire, parce que j'ai des citations là-dessus, parce que certains même au Royaume-Uni, ils voient une occasion de mettre fin à une Union européenne trop européenne, encore trop européenne, malgré qu'elle soit absolument anti-européenne, elle est peut-être encore trop européenne pour certaines personnes, notamment pour les libéraux intégraux. Alors c'est une théorie, pourquoi pas. Alors allons au fond des choses, qui sont derrière ce Brexit? Qui veut la sortie de l'Europe? Non, mais il y a aussi des dirigeants pro-Brexit dans le discours qui, quand on plonge un petit peu dans les détails, te disent oui, mais en fait non, on va négocier, ça va prendre du temps, ça va se faire doucement. Ils sont pas si radicaux que ça. C'est du langage et personne n'en veut véritablement au niveau de la direction britannique, enfin même des deux parties soi-disant opposées. Hein. C'est quelque chose qui les emmerde plus que... Mais peut-être que certains Britanniques, ils voient une occasion de négocier avec l'Union Européenne, hein, de faire pression, mine de partir, et puis ça met en bonne posture pour négocier. C'est comme un contrat, pourquoi pas. Enfin, finalement, dans le seul truc, non, le Brexit, ça ne se fera pas. Voilà. Si ça se fait, il y a de grandes chances que ça ne change rien. Mais il faut voir les Anglais, ils sont pas mécontents de leur situation, ils ont un chômage assez faible. Ils veulent, eux, renégocier en réalité l'immigration qui les emmerde un peu, mais bon. Bah, les flots migratoires sont quand même bien bloqués à Calais. Voilà. Et oui. Et donc, pour l'instant, l'Europe les arrange plutôt, hein. Ils ont pas envie d'un changement brutal. Le seul truc qui serait intéressant, ça serait un Frexit, un Frenchexit, hein, je sais pas comment on dit. C'est-à-dire que ça serait une réaction en chaîne qui détruirait cette espèce de monstre qu'est l'Union européenne, mais qui serait tenue par un pays authentiquement nationaliste, enfin patriote et anti-libéral, vraiment conséquemment. Voilà. « Cinquième actualité, Dilma Rousseff, la présidente du Brésil qui avait succédé à Lula il y a de cela 6 ans, a été subtilement écartée du pouvoir en raison, dit l'opposition, de tricherie sur les comptes de la nation. Le Parti des travailleurs au pouvoir aurait maquillé la situation financière du pays pour être réélu en 2014. La présidente parle, quant à elle, de coup d'État constitutionnel. Dimitri, qui croire ? Tout le monde est personne. La situation au Brésil, je ne suis pas un spécialiste du Brésil. Hein. Moi, je connais bien l'équipe de foot du Brésil. Mais au-delà, non, en fait, Dilma Rousseff a été déstabilisée par un vote au Parlement suite à des révélations de corruption dans ses rangs et par elle-même. Et elle est écartée du pouvoir pendant 6 mois, le temps qu'elle c'est soit provisoire. Jugée. C'est provisoire, bien sûr. Et d'ailleurs, on parle même d'un retour, puisque ce qui est arrivé en face ne vaut pas mieux et même pire. Non, bon, voilà, donc c'est un règlement de compte interne dans les directions des deux grands partis brésiliens. Et le remplaçant de Dilma n'a pas fait mieux puisqu'il est déjà sur la sellette suite à des écoutes qui ont révélé justement toute l'organisation, je dirais, de la chute de Dilma. C'est un peu compliqué parce que ça part d'une filiale de Petrobras, hein, qui est la grande entreprise pétrolière nationale, celle qui fait beaucoup d'argent, qui tient un peu l'économie nationale et qui est un pôle de puissance tel qu'un pouvoir ne peut pas y échapper. Donc il y aurait eu corruption entre les dirigeants de l'opposition et cette multinationale. Cette filiale de Petrobras. Petrobras. Le gouvernement et donc Dilma Rousseff aurait voulu mettre le nez sur cette affaire et pousser la justice à. Mais la justice, disons qu'elle en a empêché puisque son opposant qui est maintenant au pouvoir a fait en sorte de nommer plusieurs personnes pour verrouiller les dossiers et la remontée des dossiers de corruption. C'est-à-dire que la corruption a servi à abattre Rousseff, mais pour lui, il a fallu l'arrêter. Donc il a nommé des hommes qui eux-mêmes, grâce aux écoutes, ont été dénoncés comme corrupteurs, corrompus, etc. Donc c'est un bordel sans nom. Mais c'est sans fin de toute manière, parce qu'ils sont tous corrompus à un niveau ou à un autre. Voilà. Et du coup, on donne pas cher du nouveau pouvoir brésilien. Et voilà pourquoi on parle d'un retour de la recalée qui, malgré des faits de corruption avérés, serait moins corrompu que ceux qui ont eu sa peau. Encore une fois, on est dans une sorte de règlement de compte style mafia, hein, comme d'habitude, parce que pour un clan va en chasser un autre finalement. Hein, voilà. Là, je crois vraiment qu'il faut élargir la vision et regarder ce qui se passe au niveau sud-américain. Et ben là, ça, tu vas le faire. Je peux en parler. Ouais. Cette destitution de Dilma Rousseff s'inscrit totalement dans un calendrier qui est celui de la reprise en main de l'Amérique du Sud par les États-Unis, par le gouvernement d'Obama. Et ça a été fait progressivement parce que ce coup d'État constitutionnel n'est pas le premier qu'on voit. Déjà, Fernando Lugo, qui était l'ex-président du Paraguay, s'était fait sortir du pouvoir par un coup d'État constitutionnel. Ils ont utilisé une subtilité dans la constitution du Paraguay et ils l'ont sorti du pouvoir. Fernando Lugo, qui était un homme d'église, président de son pays, était très proche d'Hugo Chavez et lié à l'alliance de l'ALBA avec Morales et Correa. Morales, quant à lui, en 2009, a connu des troubles au nord du pays et c'est ce qui avait fait déclarer à Hugo Chavez dans sa déclaration qui est très connue, aller au diable, Yankee de merde, c'était pour soutenir Morales, qui avait viré l'ambassadeur américain parce qu'il le considérait comme étant un comploteur dans son pays. Ce sont des coups d'État juridiques constitutionnels. Les Brésiliens, d'ailleurs, l'ont vu comme ça, hein, puisqu'ils parlent de coups d'État, ils s'en cachent pas. Mais du coup, le problème, c'est que quand on utilise ça, ça peut se retourner contre soi. Donc c'est l'effet boomerang pour, comment il s'appelle, Temer. Le vice-président Temer, d'origine libanaise. On a également Kirchner qui est sorti du pouvoir dernièrement, qui a perdu les... Elle, par contre, c'est vrai que c'est démocratique. C'est-à-dire que ce sont les puissances médiatiques qui l'ont sorti du pouvoir. Mais c'est toujours, si vous voulez, l'utilisation de différents biais qui arrivent à ce résultat, la reprise en main. Différentes forces qui arrivent à ce résultat. Et l'Amérique du Sud, je le rappelle, malgré tout, première réserve de pétrole au monde, première réserve d'eau douce au monde, plus grand taux de biodiversité par rapport aux terres émergées. C'était stratégique, hautement stratégique, que les États-Unis gardent la main sur ce continent. Et c'était miraculeux que l'Amérique du Sud ait pu s'en sortir 15 ans, parce que finalement, ça a duré 15 ans, c'est-à-dire le temps de Chavez au pouvoir. Chavez est mort, lui aussi, il a été sorti du pouvoir très probablement par un coup d'État maquillé en maladie, en cancer. On sait que Salazar, je crois qu'il s'appelle, c'était son garde du corps, et c'était même plus que ça, hein, c'était Chavez qui l'avait choisi, l'a trahi, probablement, puisque maintenant il est témoin protégé par les États-Unis. Et bien sûr, le Venezuela demande son extradition et il refuse. Il lui servait son café, il lui servait à manger. Donc, c'est très probablement lui qui a... De la même manière qu'Arafat et ses proches. Donc, Pierre ? Bah, je pourrais un petit élément factuel. Très récemment a été nommé un Israélien, un véritable Israélien. Hein, c'est pas un Brésilien, c'est pas un Brésilien juif, c'est un Israélien, gouverneur de la Banque centrale du Brésil. Oui, mais le Brésil est un pays bigarré, multiculturel. Il s'appelle Ilan Goldfein. Voilà. Ça veut dire orfin. Fein, c'est fin. Gold, je traduis pas. Et sur Dilma, c'était même pas, je crois que c'est même pas un prétexte de corruption, elle est accusée d'avoir truqué les chiffres du budget. Oui, parce que l'économie était mauvaise. Ce que font tous les présidents de tous les pays du monde. Hein, voilà, on truque les chiffres en permanence. C'était très lourdement truqué, hein, mais bon. Oui, mais bon. Et d'ailleurs, Dimitri, je crois que tu voulais parler de notre Chavez français, c'est-à-dire Mélenchon. Ah, le Chavez national, oui, on peut pas faire l'impasse sur ce qui s'est passé hier soir à DPDSA. Des paroles et des actes, la dernière émission de Pujadas, hein, qui a été sacrifiée par Michel Field pour des raisons bassement politiques. Mélenchon était l'invité de cette émission, il a parlé pendant plus de 2 heures, etc. Il a été opposé à plein de gens et soudain il a dit quelque chose. Il a dit « Chavez, c'est l'idéal inépuisable de l'espérance humaniste, de la révolution ». Et donc on a aperçu un Mélenchon qui soudain devenait presque anti-immigrationniste, mais pas presque, hein, carrément. Il a dit qu'il fallait arrêter en gros l'immigration, que c'était pas la solution, que la guerre apportait l'immigration, il fallait stopper la guerre, qu'on avait assez d'immigrés en gros. Et il a scotché tous les gens qui regardaient. Et autre chose, il s'en est pris personnellement à Monsieur Kukierman, qui est le président du CRIF, en disant qu'il avait rien à faire à se mêler de la politique française, puisque l'Église et l'État étaient séparés, que les religions ne devaient pas interférer dans la République et qu'il se permettait des choses qui étaient... Et là, soudain, Mélenchon, dans son discours, parce que le reste, c'est de la politique politicienne, sur 2 heures, il a glissé 2 choses qui montrent que, clairement, il va attaquer, je dirais, l'électorat de Marine Le Pen pour 2017. Pierre, ton interprétation de cette révolution au sein du parti de gauche ? J'ai rien à rajouter. Effectivement, Mélenchon va jouer son rôle de troisième homme, quatrième homme. Et son va-tout, parce que là, clairement, il envoie 2 messages. Et c'est un peu les messages qu'avait envoyé Georges Marchais il y a maintenant 30 ans, je crois, dans les années 84 ou 85, quand il avait dit la France ne peut plus se permettre d'importer des immigrés. On a assez de chômage. Il y avait 1,5 million de chômeurs à l'époque, moins de 2 millions en tout cas. Et il avait été, en gros, écarté et médiatiquement massacré pour ses déclarations. Enfin, moi, je ne fais aucune confiance à une sorte de girouette politique comme Mélenchon. Qui est dans le sérail depuis plus de 35 ans. 35 ans, oui, non, mais on est d'accord. On ne parle pas de faire confiance. Ah non, mais c'est pas... Moi, J'ai senti que tu y as cru, tu as un peu cru, j'ai trouvé. Qui a passé 35 ans au Parti Socialiste, effectivement. Bien sûr, mais regardez Bayrou, quand il a eu son heure de gloire en 2007, quand il a fait 19%, je crois, 18-19%, et soudain qui s'attaque à Claire Chazal, au potentat Bouygues, TF1, aux médias, il n'était pas loin de déraper en direct, et de déraper sur les lobbies, etc. Mais il parlait des puissances de l'argent, clairement, voilà. Après, ça peut être un truc électoral, on est d'accord. Mais ça veut dire qu'il y a un discours qui est en train de changer et que des choses vont être dites qui n'ont jamais été dites dans une campagne électorale française. Je vous le garantis. C'est vrai, c'est intéressant. Je vous garantis qu'on va reparler de Kukierman, de l'immigration et il n'y aura pas que le FN. Ouais, d'ailleurs, petite anecdote, changement de discours et de ligne, de paradigme en ce moment. On l'a vu avec Finkielkraut aussi. Et puis même, on le remarque très récemment là dans les médias. Hein, on a vu Ardisson faire une sortie sur Trump. On a relayé des chroniqueurs, des comiques de la radio. Là, donc Meurice, Barré, qui d'autre, Farid, là, le comique qui est passé chez Ruquier. Oui, tout à fait. On a vu le Petit Journal aller poser des questions sur Patrick Drahi en Israël et compagnie. Des vraies questions journalistiques et méchantes. Donc, effectivement, il se passe un truc, il lâche un petit peu la bride. C'est obligé, sinon ça casse. Un an avant les élections, un petit peu. Pendant ce temps, c'est bien marrant de parler légèrement d'Israël en ce moment, alors qu'en parallèle, Israël se radicalise comme jamais. Hein, on l'a vu notamment avec la nomination de Lieberman au ministère de la Défense. Voilà. Qui est carrément un fou. Mais en fait, c'est un fou en parole. Après, je pense pas qu'il va appuyer sur le bouton rouge. Sixième actualité, le Festival de Cannes ou Festival de la Bien-Pensance, Dimitri. Des nouvelles de cet événement planétaire ? Oui, planétaire. Hein. des centaines de photographes, de journalistes. Effectivement, c'est un des, je crois, des deux plus grands événements planétaires avec les Jeux Olympiques. Alors, c'est un peu les Jeux Olympiques de la bien-pensance. Ouais, la Coupe du Monde de foot doit être au-dessus de Cannes quand même. Oui, un petit peu. Non, mais Cannes. Tu t'emballes. Dimitri, tu t'emballes. Ouais, parce que j'aime tellement Cannes, le cinéma, le Martinez, j'aime la CGT. Non, Cannes, en fait, s'est autodétruit en relayant la parole dominante à travers un palmarès qui est biaisé. Et on n'a plus le biais artistique qui domine, mais c'est le biais politique, c'est-à-dire ce qu'on appelle la socioculture, qui doit envoyer des messages aux gens, parce que Cannes, c'est une caisse de résonance. Et elle a été détournée de sorte qu'on envoie des messages au monde entier sur ce qu'il faut penser, ce qu'il faut dire, comment être. Voilà, donc il y a le film LGBT régulier, il y a le film social qui prend fait et cause pour les pauvres, mais qui n'a pas de conséquences. Et tant mieux pour Ken Loach, qui fait du social depuis 40 ans ou même presque 50 ans en cinéma, mais ça tourne en rond et ça n'est plus de l'art, ça n'est plus du cinéma, c'est juste un vecteur politique. Pierre ? Oui, bah, le Festival de Cannes, effectivement, c'est pas que du cinéma, c'est aussi beaucoup, de plus en plus, d'idéologie. Qu'est-ce que je peux dire ? Je peux peut-être narrer les différents événements qu'ont émaillé le... pas les projections cinématographiques, mais le festival. C'est-à-dire que bon, il y a eu cette affaire de Woody Allen, de Polanski, hein, c'est-à-dire que sous-entendu des accusations de viol et de pédophilie. Il y a eu l'affaire BHL qui a réussi à faire rentrer son film Peshmerga. Un film sur les Peshmerga, ouais. C'est ça. Pendant le festival, donc c'est du jamais vu. Hein, c'est le premier de tous les temps à réussir à faire diffuser son film alors que la programmation est déjà planifiée. Oui, mais lui, il a dit que la passion finissait par tout justifier et tout autoriser. En parallèle de ça, il y avait le film d'Emir Kusturica qui n'avait pas été autorisé, alors que c'était, je crois qu'il a, enfin, c'est un des tenants d'une palme. Film pro-palestinien. Double palme, je crois. Film pro-palestinien, et puis Kusturica a déclaré qu'il pensait que ses accointances avec Vladimir Poutine étaient certainement en cause dans ce choix. On a eu quelques déclarations tonitruantes de Depardieu, hein, c'est toujours rigolo. Qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu le fameux film palestinien, d'ailleurs, c'était même pas un film, c'était un extrait de film palestinien que le CRIF a tenté de faire annuler. Peine perdue, mais bon, il a été diffusé 10 minutes de film, je crois. Enfin bon, bref. Et le tapis rouge a été déroulé aussi pour la ministre de la Culture israélienne. Hein, voilà, donc c'est quand même un fait à relever. Et puis effectivement, tu l'as dit, les palmes sont décernées plus en fonction de l'idéologie qu'en fonction de l'artistique. Ah, donc le festival a une puissance médiatique inégalée. Et dans le côté people, on a eu la fameuse Bella Hadid. Ah oui, Bella Habib qui a défrayé la chronique People parce qu'elle avait pas de sous-vêtements sous sa jupe. Robe rouge fendue. Voilà, et c'est un marqueur parce que cette fille a une origine palestinienne, c'est ça ? Elle est néerlando-américano-palestinienne et elle a littéralement été obscène sur le tapis rouge. C'est une forme d'humiliation peut-être pour une certaine communauté palestinienne. Vous allez un peu loin là, Pierre, mais c'est vrai que... Moi, j'ai bien regardé la vidéo plusieurs fois, effectivement, c'est obscène. Chers auditeurs, cette émission rocambolesque est terminée. Dimitri, merci beaucoup d'y avoir participé. Merci de nous avoir écoutés et attention au chaos social. Et Pierre, merci à toi également. Merci à vous tous. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de La Mota. Son album Bande Originale est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter aujourd'hui Un Rêve, opus 34. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.